AXA, premier assureur des pros. Mon fils, il est dans les chiffres. Il les examine, il fait des analyses, il a son cabinet, comme les médecins. Soutenir son fils, pour Carole, rien de plus normal. Comprendre son métier, c'est une autre histoire. Chez AXA, on vous comprend. Nos conseillers accompagnent les pros en moyenne pendant 13 ans. AXA. Plus d'informations en agence ou sur pro.axa.fr. Étude pépite CSA 2022. Bon podcast avec AXA. LSD, la série documentaire, un podcast France Culture. Mesdames, messieurs, j'ai le grand honneur d'annoncer que le Comité international olympique a simultanément élu la ville hôte de jeux de la 33e Olympiade en 2024 et la ville hôte des jeux de 34e Olympiade en 2028. Paris 24, Los Angeles 28. Au centre, il y a beaucoup plus. Allez, go! Qu'est-ce qu'ils font là? Là, ils sont en train de lisser le béton pour qu'on ait une plateforme qui soit relativement droite pour poser des trucs après dessus, des murs, des trucs comme ça, que ce soit plus simple. Et il va falloir faire ça jusqu'à 64 ans, les gars, c'est compliqué. Hein. Skate de la rue au JO. On attend une demi-heure, on la repasse, tu vois, elle tombe à l'œil. Quatrième épisode, Esprit Skate, Valeurs Olympiques. Raphaël Kraft, David Jakubowicz. Ouais, il y a la poubelle aussi. Alors moi j'ai commencé vraiment jeune, je pourrais pas te donner un âge, mais je sais que j'allais encore chez ma nourrice, alors je devais avoir 6 ans je pense. Jérémy Durand, skateur, cofondateur du Versus Skatepark. Honnêtement, je savais même pas qu'on pouvait se mettre debout sur un skateboard. J'étais persuadé que c'était des luges de rue, quoi. On descendait assis dessus. En plus, on est entouré de cols de montagne, il y a des super descentes à faire. Et ouais, nous, on n'avait pas de presse skateboard, on n'avait pas de référence. En fait, on pensait vraiment qu'on inventait le skateboard à Saint-Jean-de-Maurel, quoi. On n'avait jamais vu ça nulle part. Du coup, voilà, on descendait assis sur nos boards. Malheureusement, je pense que j'avais 8 ans, j'ai un collègue à moi qui passait sous une voiture en faisant ça. Donc là, c'était quand même un peu un électrochoc. Ma mère, elle m'a interdit de refaire du skate, elle a pris ma board, terminé. Et j'ai pas pu en refaire avant de passer le brevet des collèges, où là, ma mère, elle m'a dit, bon, bah c'est bon, d'une tanne toutes ces années pour avoir un skateboard, c'est bon, t'es grand, maintenant tu feras attention, etc. Mais dans ces années-là où j'ai pas skaté, cette espèce de pause entre 8 ans et 14 ans, dans ma tête, je faisais du skate parce qu'en fait, je voyais des grands qui, là, étaient debout sur leur skate et que je me disais, waouh, ouais, mais en fait, le skate, c'est ça. En fait, on peut se mettre debout, on peut décoller. Et c'est aussi le moment où j'ai redécouvert le skateboard, donc il y a 14 ans. Et là, en fait, personne ne me donnait d'horaire. Je allais où je voulais, je faisais ce que je voulais, quand je voulais. Une liberté totale. Donc, au-delà de la pratique même, de vraiment la sensation de glisse et de skateboard, je suis complètement tombé amoureux de ce truc. Et depuis 14 ans, à part les blessures, j'ai pas arrêté une seconde. Jérémy Durand, en 1998, vous avez 14-15 ans et vous lancez votre première pétition pour obtenir un skatepark à Saint-Jean-de-Maurienne. Exactement. J'ai essayé de faire signer un peu tout le monde dans le village. Ça n'a pas abouti tout de suite. Je me suis rendu compte que c'était relativement compliqué. Finalement, ils ont fait un skatepark, mais sans faire appel à nous. Une dalle en enrobée, 3 modules dessus. La dalle en enrobée était trop courte par rapport au module. On ne pouvait même pas atteindre le sommet, il n'y avait pas assez d'élan. Bref, le skatepark était obsolète directement, quoi, dès son ouverture. Donc on a continué de skater en ville. Et là, cette fois, la police avait vraiment un argument. Hey, vous avez un skatepark, vous n'avez plus rien à faire en ville. Donc là, on a commencé à prendre des amendes. Et c'est devenu un peu compliqué et honnêtement ça a vraiment tué la scène skate morianaise, quoi. Les gens en ont eu marre. Et en 2012, si je dis pas de bêtises, élection municipale à Saint-Jean-de-Maurienne, et je vois qu'un des candidats, qui d'ailleurs a fini maire, avait mis dans son programme construction d'un skatepark. Donc là je me dis, ah ben là faut que je le contacte, donc j'ai fait tout ce que j'ai pu. Finalement les rendez-vous, on me dit bon ben on n'a pas assez de budget, on pourra pas faire de skatepark. Voilà, bah de nouveau, je me suis heurté aux mairies, je me suis rendu compte que les promesses électorales, ça valait pas grand-chose. Après, sacrée histoire, j'ai fait un concert à la fête de la musique avec mon groupe, et sur mon t-shirt, j'avais écrit le nom du maire, Donc c'était Monsieur Charvoz. Et où est mon skatepark? Donc là, ça a fait un véritable tollé. Le maire a porté plainte. Bon, ça s'est un peu retourné contre lui parce que finalement, la presse a suivi. Tout le monde en a parlé. On a dit, c'est vrai, mais il est où le skatepark, etc. Et ça a donné que j'ai réussi à rencontrer le maire finalement. Et c'est à ce moment-là, il me dit combien il vous faut pour faire un skatepark, etc. Donc moi, j'ai dit, bah, écoutez, de nos jours, en dessous 150 000 euros, il n'y a pas une seule boîte qui va se déplacer et puis ils feront vraiment rien. Et encore 150 000 euros, malheureusement, c'est de nos jours, on fait pas grand-chose. Finalement, il me rappelle, un petit rendez-vous, et là, je le vois tout sourire. Il me dit, bon, bah, on a que 50 000. Du coup, avec 50 000, on fera pas de skatepark, quoi, c'est clair, il n'y aura rien. Donc il pensait que ça allait s'arrêter là un petit peu, je pense. Et finalement, je dis, bah écoute, 50 000, je les prends, et puis on le fait nous, le skatepark, on le fait nous-mêmes. Stupéfaction, là, il était là, mais c'est possible, vous savez faire, comment ça se passe. Bon, finalement, là, je te raconte ça, mais ça prend 50 000 rendez-vous, je ne sais pas combien d'emails et de coups de téléphone, il a fallu de la persévérance. Et là, gros coup de bluff, parce que je vois que ça va un petit peu tomber à l'eau, le projet, je vais voir Maxime Opinel, donc... qui tient le musée Opinel à Saint-Jean-de-Maurienne, parce qu'on a plus ou moins le même âge, on était au lycée ensemble. Et je lui dis, écoute, ça a l'air bien parti à Saint-Jean, on va faire un skatepark, je pense. Alors que c'était pas vrai. Hein. Là, on pourrait peut-être mettre un Opinel dans le skatepark, on fait un module skatable, on pourrait faire le plus grand Opinel du monde, ça te ferait une pub de dingue, les gens reconnaîtraient le skatepark, parce que Opinel vient de Maurienne, enfin, il y aurait une vraie visibilité. Il me dit, pourquoi pas, je signe, il me fait un petit papier, je vous suis, c'est une super idée, on va faire des designs de différents modèles d'Opinel pour qu'ils soient skatables, ça va être cool. Je retourne voir la mairie, bon, ils étaient toujours pas spécialement chauds, et finalement, j'ai dit, bah, c'est quand même dommage, parce que là, j'ai un papier de Maxime Opinel, et on s'apprêtait quand même à faire le plus grand Opinel du monde au milieu du skatepark, ça va vous faire une pub de malade, quoi. Là, leurs yeux se sont mis à briller. Finalement, c'est peut-être une bonne idée, ce skatepark, faut qu'on en discute, etc. Et c'est là que les premiers 50 000 euros de la mairie ont été actés. Et on a lancé le skatepark de Saint-Jean en 2017, avec évidemment l'aide d'énormément de partenaires du coin, parce qu'avec 50 000 euros, on va pas très loin sinon. Bah, nous, c'est un peu particulier, ça boit du boulot ce qu'on s'apprête à faire. Le fait qu'on soit tous bénévoles et qu'on construise plus ou moins notre rêve, en fait, moi, j'ai pas du tout l'impression d'être au boulot aussi, alors que... On est en plein test de passion. Mais ici, on s'en fout. Enfin, on s'en fout. Quand tu fais ça tous les jours, samedi, dimanche et jours fériés, de 6h du matin jusqu'à des fois minuit, quand tu fais ça 15, 20 jours d'affilée, au bout d'un moment, ça commence à faire un petit peu mal, ça commence à piquer, mais... Ça nous plaît toujours. Bah ouais, puis le problème c'est qu'on fait pas ça 15 jours d'affilée mais 6 mois quoi. Donc. Bah mais 15 jours sans jour de repos. Ouais, ouais. Hé, Flocus ! On a quand même, je pense, réussi à prouver assez rapidement qu'on faisait du travail de qualité. Parce qu'il n'y a pas grand monde qui avait parié là-dessus. Autant la mairie que la cimenterie. Parce que les gars se disaient, voilà, ouais, qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Le mec, il arrive, il est mal rasé, les cheveux bleus, il a deux truelles, il est équipé d'une armée de gamins de 8 ans. Waouh, ça promet. Et finalement, on a fait le premier coulage. Et là, je crois qu'on a mis la barre assez haute au niveau qualité. Parce que c'est vrai qu'en fait, quand tu parles d'un DIY en général, c'est quand même... Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est qu'un DIY ? Oui, DIY, ça veut dire « do it yourself », on peut le traduire par « fais-le toi-même ». Et c'est vrai qu'en général, ce genre de projet, il rime un petit peu avec « fait à l'arrache ». Parce que c'est des mecs qui n'ont pas forcément les connaissances, qui n'ont pas forcément les moyens. Et donc le résultat n'est pas toujours très bon au niveau qualité, malgré que c'est un charme. Et nous, vu qu'il fallait qu'on prouve un peu à la mairie, comme c'est un DIY légal chez nous, il fallait que ça rime aussi avec qualité. Et ça a été une assez grande fierté de réussir à leur prouver ça dès le départ. Bon, on a quand même progressé hein, au cours des années. Maintenant, ça fait 6 ans. Bah, les gamins que je te disais tout à l'heure, bah, maintenant, il y en a certains, c'est devenu leur métier. Ils sont bien meilleurs que moi. Maintenant, à part le fait qu'on n'est pas payé, en fait, on bosse comme les pros, quoi. Another race. I'm eating junk, feeling bad. Another night. donc le DIY, il veut fabriquer son propre espace parce que la multiplication des espaces se standardise en quelque sorte. Et ces espaces ne sont pas forcément construits par des skateurs. Bah, le skate est quand même essentiellement une pratique créative, même si à force elle peut devenir consensuelle ou qu'il y a des modèles indépassables ou insurmontables. Mais donc avec le désir des skateurs d'être créatifs, ils perçoivent parfois assez mal le fait de simplement recevoir un skatepark, même de qualité, dans leur quartier. Raphaël Zarka, plasticien et skateur. Bon voilà, le skatepark, il est là, il a été fait pour faciliter tel type de figure, mais ils ne l'ont pas réellement choisi. Dans le meilleur des cas, c'est un très bon constructeur de skatepark qui a concerté les skateurs de telle ou telle ville et qui a produit cet espace-là. Cependant, le skater a envie d'être plus créatif et de se dire « Tiens, aujourd'hui, on a envie de construire tel type de spot. » Et le plaisir, c'est pas seulement de le skater ou avant de le skater, c'est de le construire soi-même avec ses propres mains. Alors la courbe sera pas aussi régulière que celle qui a été façonnée par un maçon professionnel avec tout l'outillage approprié. Et ça, ça s'est développé vraiment de manière radicale depuis le milieu des années 2000. Et aujourd'hui, il y a partout des spots DIY, des fois de très grande ampleur. C'est dingue, c'est des travaux... Je crois que c'est une continuité de l'aspect le plus sauvage du skate. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait faire une espèce de dichotomie entre le street, qui était la pratique sauvage. On se balade en ville ou en périphérie et on cherche les spots préexistants et on s'y adapte. Ou alors le parc avec le côté un peu plus classique du sport, terrain préexistant sur lequel on vient un peu plus confortablement s'entraîner. Le skatepark était vu comme une pratique plus consensuelle par les puristes du skateboard. Et je crois que le DIY a permis à ce discours des puristes de pratiquer le parc en l'ayant construit eux-mêmes, c'est-à-dire en étant dans la créativité d'un bout à l'autre de la chaîne. Donc ça fait 6 ans que ce skatepark est en chantier, mais il est déjà pratiqué. Oui, donc là, c'est vrai que la première année, forcément, on s'est bossé des gamins, puis il n'y avait pas la carotte, quoi. Ils voyaient que ça allait être un skatepark, mais il n'y avait pas, le soir, la satisfaction de pouvoir rouler. C'est arrivé à la fin de la première année, ils ont pu skater ce qu'ils avaient construit, et là, c'est devenu plus simple. D'année en année, chaque fois, ils voyaient le skatepark. Bon, là, il fallait aussi leur expliquer que c'était bien s'ils venaient bosser avant d'aller skater, hein, parce que c'est quand même le but, et ça a relativement bien marché. C'est ce qui nous a permis de durer aussi longtemps. C'est la 6e année, on a attaqué en 2017. Et là, les gens, bah, ils se lèvent encore le matin pour venir faire du béton parce qu'ils savent que dans l'après-midi, ils vont pouvoir rouler. Moi, je m'appelle Sacha. J'ai 8 ans. Et du coup, bah, je suis un skateur. Ah oui ? Bah oui. Est-ce que tu peux me décrire ce skatepark ? Bah déjà, il y a la langue, il y a la porte. Le truc le plus dur, il y a un opinel géant, mais vraiment très géant. Il y a des balls, il y a une piscine, et aussi il y a une partie où il y a plein de trucs assez difficiles. Mais il est encore en chantier. Qu'est-ce que vous préparez là, Thierry ? Ben, on a réglé le cradle, l'atmosphère, parce que comme on l'a eu vraiment en retard et qu'on n'a pas pu la mettre au bon moment, on l'a posée comme on a pu. Donc c'est bon, on est arrivé à la caler, ça nous a pris 2 jours de levage, de réglage, mais c'est fait. Et on ne l'a pas pris sur la gueule, c'est déjà bien ça. Hein ? Vous pouvez peut-être la décrire pour les auditeurs et auditrices ? Alors c'est une demi-sphère en métal qui fait 3 mètres de diamètre, où les gens vont rentrer dedans et essayer de faire le tour. Pouvoir monter au sommet, s'ils sont bons. En skateboard. En skate, bien sûr. Donc, pour éviter qu'il y ait de l'eau qui reste à l'intérieur, on est obligé de la faire pencher en avant. C'est-à-dire comme si on faisait un piège à souris. Il faut qu'on arrive à fleur de la tôle en bas pour que quand il rentre ou quand il sort, il n'y ait pas ce qu'on appelle un kink, c'est-à-dire quelque chose qui bloque les roues. Donc, il faut être vraiment hyper précis. Vous faites du skate, vous, Thierry ? Alors, moi, j'ai jamais fait de skate de ma vie. Ça fait 7 ans que je construis un skatepark. Je suis président de l'association. Et en plus, mon métier, c'est artisan créateur, je recycle les planches de skateboard. Voilà, c'est quand même paradoxal et atypique. Mais c'est comme ça. Le monde du skate, c'est pas forcément sans faire du skate, c'est un esprit. C'est une communauté avec un esprit, un savoir-vivre. Voilà. C'est le plus important, plus que de savoir du skate. Mais je suis content, mon petit-fils commence déjà à en faire, il a pas 2 ans, donc c'est génial. Au moins, il pourra skater le parc à papy, c'est génial ça, hein. Au-delà des gens du coin, les maçons à la retraite qui passent nous voir, qui trouvent qu'on a fait un joli skatepark, il y a aussi les pères, quoi. Il y a des mecs qui... J'avais des posters d'eau dans ma chambre quand j'étais ado, ils viennent skater ici, ils me disent que le parc est géant. Ouais, là, ça fait chaud au cœur. Hein. Si je dis pas de bêtises, je pense qu'on a fait le premier loop d'Europe. Un loop, c'est quoi? Pour l'expliquer aux gens, c'était les petites bagnoles télécommandées, là, Hot Wheels, où il y avait le... Je sais pas, ils appelaient ça le loop, hein, je crois. Et grâce à la vitesse, la force centrifuge, on arrive à mettre la tête en bas et faire un tour complet. Donc ça, de nouveau, il y a des gens qui sont venus juste pour ça, quoi. Et les mecs, je pense à Martino Cataneo, un pro qui est venu pour faire ce truc, quoi. Il en a parlé dans le magazine Thrasher, qui est quand même une référence, et c'était écrit, ouais, il y a des mecs dans les Alpes, ils ont construit un loop, faut que j'aille voir ça. Alors, là, de nouveau, je t'avoue que pour moi, c'est la meilleure des récompenses, quoi. Parce que, donc, la mairie me dise bravo pour le skatepark, à la limite, je m'en fous, mais si Martino Cataneo parle de nous dans Thrasher, là, c'est la classe, quoi. Donc on a entendu le grrr. Ouais, le ratatatac de la mosaïque et le de la margelle. Florian, professeur de skateboard, bénévole au Versus Skatepark de Saint-Jean-de-Maurienne. Et ce qui est rigolo, ben, c'est que comme dans toutes les figures qu'on fait, on n'a pas forcément le regard pour voir où on met sa planche. Et ben, c'est la sensation dans les pieds, on sait à quel endroit on est. Si on est quasiment en haut ou pas encore, la mosaïque nous donne ce repère auditif et au niveau de la sensation. Le magazine de skate à propos vient de publier un post sur Instagram qui dit les 15 raisons skateboarding has nothing to do in the Olympics. Et parmi ces 15 raisons, il y a no built-in barbecue nor beer can coping. Répète-moi ça, no building barbecue. Bah, y a pas de barbecue fabriqué soi-même. Et il n'y a pas de coping fait avec des canettes de bière. Ouais. Voilà, parce qu'il y a une manière de... Donc les coping, c'est soit de la margelle, soit des tubes en métal. Mais on peut aussi fabriquer des coping en béton en remplissant des canettes de 50 centilitres et en les mettant à la place des margelles ou des tubes en métal. C'est vrai que c'est une manière de construire qui est assez rudimentaire, mais qui fonctionne. Tout ça pour dire que ouais, les valeurs olympiques, c'est bien, mais ça manque de liberté d'expression, ça manque de créativité, ça manque d'originalité. Tous les skateparks des grosses compétitions, ou des X Games, ou des Jeux Olympiques, tous ces skateparks se ressemblent trait pour trait, les modules font la même hauteur, les courbes font le même rayon. Et ça aseptise un petit peu le truc, c'est-à-dire que dans un skatepark DIY, on fait des plans, mais in situ, au dernier moment, on est très bien capable de dire « Ah bah c'était comme ça sur le plan, maintenant qu'on a commencé à construire, eh ben on s'aperçoit que ça va pas forcément fonctionner comme on avait fait sur le plan, donc on va modifier des petites parties in situ en les construisant de manière à ce que ça fonctionne correctement. » Et le barbecue dans tout ça? Eh ben... voilà, l'esprit olympique, c'est aussi la priorité au sport, faire attention à son corps, avoir une hygiène de vie impeccable pour pouvoir donner les meilleures performances Et on n'est pas dans ce délire-là. À table ? Allez, à table. Slip 5-4. Il perdu un peu de vitesse, mais il peut enchaîner. Ouais, mais il enchaîne quand même. Allez, ouf. Waouh. Charlie Machmel, vous êtes historien du sport. Le skateboard est devenu discipline olympique à Tokyo en 2020. Quel a été le processus d'intégration de cette pratique au sein des instances olympiques? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, le CIO... quelque part, il est en crise. C'est-à-dire qu'il est plus contesté qu'il ne l'a été peut-être auparavant. Les coûts en termes de finances publiques que représente l'organisation de manifestations comme les Jeux. L'organisation correspond peu aux enjeux environnementaux contemporains. Et puis donc, le public des Jeux, il est vieillissant. Et donc, la place du skateboard, comme celle du surf ou de l'escalade, elle est accordée dans l'objectif d'aller conquérir un public plus jeune. On le comprend bien. Et donc, l'intelligence du CIO et la manière dont ça s'est construit, c'est qu'en fait, ils sont allés chercher des organisations qu'on peut considérer comme sportives, mais qui en fait sont proches du milieu du skateboard et de la logique du sponsoring, de l'industrie qui va autour du skateboard, dont une des figures est par exemple Tony Hawk. Et ils les ont associés à l'organisation sportive traditionnelle. Et donc, ce qui est un petit peu innovant et sans précédent avec le skateboard, c'est que le CIO en fait s'associe à un partenaire en créant la World Skate pour organiser des épreuves de skateboard. Ce qui fait que le skateboard n'a pas le même statut finalement ou la même organisation que les autres disciplines olympiques au sein même des Jeux. En fait, ce qu'il faut comprendre, entre guillemets, c'est que la pratique du skateboard, mais comme n'importe quelle pratique sportive, est une pratique sociale. Et donc, elle dépend du contexte dans lequel elle prend forme. Et donc, le fait qu'elle prenne son essor dans les années 70 fait qu'elle s'est marquée par des caractéristiques qui tiennent à cette société et par des aspirations de la jeunesse à ce moment-là. C'est donc, on est dans des formes de pratiques qui sont plus hédonistes, dans lesquelles on va moins se soumettre à une discipline collective, par exemple, que dans les sports traditionnels. D'où l'idée que parfois on a décrit ces pratiques comme des pratiques autonomes, parfois sans organisation. En fait, elles sont auto-organisées, mais elles n'ont pas nécessairement recours à une association pour s'organiser. Il y a une forme de spontanéité, une forme de liberté par rapport à un cadre sportif traditionnel. Dans l'esprit sportif, on se soumet à une discipline aussi. On prend rendez-vous pour les rencontres sportives, on se soumet à des entraînements. On vise des fins collectives qui sont souvent la compétition. Pour les pratiques comme le pratique du skateboard, souvent on prend sa planche, on va skater sur une place ou parfois dans un équipement qui est dédié à la pratique. Mais on ne s'engage pas nécessairement dans une discipline, on ne s'engage pas nécessairement dans un collectif. Le skate, c'est une contre-culture. Contre-culture, ça veut dire que c'est une culture qui s'est construite dans l'illégalité. Marion Decken, réalisatrice de documentaires et skateuse. Il ne faut quand même pas oublier que la pratique du skateboard dans la rue, jusqu'à il y a 2-3 ans, était illégale. C'est-à-dire que tu pouvais prendre une amende parce que tu détruisais l'espace public. Pendant des années, les skateurs ont pris des tomates sur la tronche, enfin se sont fait sortir des spots, que ce soit par la maréchaussée, mais aussi par les habitants, etc., qui ne comprenaient pas du tout ce que venaient faire ces gars-là, quoi. Et quand tu te construis dans l'illégalité, et que malgré tout, tu as réussi à faire un truc bien avec tes poteaux dans ton coin, tu te dis, mais pourquoi j'ai pas besoin d'eux? C'est eux qui ont besoin de moi. Qu'est-ce que je vais aller représenter la France alors que ça fait 40 ans que je prends des seaux d'eau sur la gueule? On peut pas changer une culture underground comme ça en 5 minutes. Et c'est ce qui s'est passé avec l'annonce du skate au JO. Alors après, David Tourakiewicz, je pense qu'il faut d'abord se mettre d'accord sur la définition du sport. Qu'est-ce qu'un sport? Rédacteur en chef du fanzine À Propos. C'est-à-dire que le skate, ça a longtemps été un truc inclassable. Alors nous, on se défendait d'être un sport, mais on n'avait pas non plus la prétention de dire que c'était un art. On se situait quelque part entre tout ça, entre c'était un jeu. On n'avait pas besoin de mettre une étiquette là-dessus, mais la société de consommation et puis la société en général nous a rattrapés et il faut absolument mettre une étiquette là-dessus. Et on a dit que c'était un sport. Alors moi, je conteste ça. Toutes les règles qui s'appliquent au fait d'être un sport olympique, je trouve que ça peut pas s'appliquer au skate. Concrètement, ça veut dire quoi ? Je vais te prendre un exemple tout simple, c'est par exemple l'uniforme. Le skate, c'est un moyen d'expression, et là, on bride ce moyen d'expression, puisque tu n'as plus le droit de t'habiller comme tu veux. Ensuite, ce que je trouve dommage, c'est que on privilégie la technicité du truc. Jusqu'à récemment, personne dans le skate était capable de dire qui était le champion du monde. Parce que ça intéressait personne. Ce qui nous parlait, c'était ce que le skateur apportait. Et donc celui qui avait le plus la classe, qui a les meilleures idées, c'était eux qui nous faisaient rêver, quoi. C'était pas celui qui avait accumulé le plus de points. Et aujourd'hui, c'est en train de changer, au détriment de la spontanéité. Et c'est un petit peu dommage, quoi. Je vais prendre un exemple d'un skateur pro qui s'appelle, qui est toujours là, bon, il a pris un coup de vieux, mais il s'appelle Tom Penny. Et donc lui, il était alcoolique notoire, mais c'était celui qui nous faisait le plus rêver. Il perdait pas le contrôle de sa planche malgré le fait d'être complètement défoncé, et il avait une classe indescriptible. Et je pense que tous les mecs de ma génération vont en parler les larmes dans les yeux. Pour nous, c'était lui le champion du monde, parce que même s'il gagnait pas, c'était lui qui avait le plus la classe, quoi. Et il avait des idées, il faisait des trucs que personne d'autre faisait, c'était complètement spontané. Et c'était ça qui était fou, tu pouvais pas anticiper ce qu'il allait faire, surtout dans l'état où il était. Nous, tu vois, on était ados, on le voyait s'enfiler des pintes sur la plateforme, et comment il fait, tu vois, nous on buvait deux bières, on était éclatés, et puis lui, il enchaînait. Voilà, il avait une planche sur laquelle on voyait Chichen Chong. Donc c'était un film entier sur deux mecs qui se défoncent la gueule à tout ce qui passe, et c'était une des planches les plus vendues de cette époque, quoi. Watch Cheech and Chong travel to Mexico to pick up the world's first van made entirely of marijuana. For years, people have smuggled grass across the borders in every way possible. Do you expect to see any violence here today? I certainly hope so. But things don't always go as planned. And even man's most heavenly plans go up in smoke. Fire! We're getting pulled over by the cops, man. What? I don't have a license. Cheech and Chong's Up in Smoke. Don't go straight to see this movie. Jérémy Daclin, vous êtes un skateur champion des années 90 du street, entrepreneur, fondateur de la marque Cliché. Un champion de skate dans les années 90, 2000 et même encore aujourd'hui, c'est pas un sportif de haut niveau. Comment on pourrait le qualifier ? Le skateur ou le sportif ou le compétiteur ou le champion des années 2000 ou des années 90, il n'a pas de conscience de la performance athlétique, donc il boit, il fume, il fait pas d'étirement et il pratique le skate sans rien faire à côté. Aujourd'hui, quelqu'un qui prépare les JO, il se prépare comme un sportif de haut niveau en faisant des étirements, des courbes de musculation et de, voilà, avec une hygiène de vie irréprochable. Voilà, c'est deux choses totalement différentes. Ouais. N'oubliez pas de respirer. Éléonore, tu fais quoi ? Élu, refais, viens, refais. Dans les années 90, des gens ont fait des exploits sportifs, entre guillemets, en n'étant pas du tout sportifs. Et c'est ça qui rend le truc totalement mythique. Et par exemple, Danny Way qui saute la muraille de Chine. Il y a eu un documentaire là-dessus, et donc il obtient des autorités chinoises de pouvoir sauter par-dessus la muraille de Chine, sauf qu'il se casse le pied juste avant, et donc il se shoot comme un dingue, et il saute la muraille de Chine avec un pied cassé, quoi. Gardez la tête baissée. Votre nuque doit être parallèle au sol. Continuez jusqu'à la dernière seconde. Donc là, on a Charlotte qui a presque 30 ans, c'est ça ? Ouais, j'ai 30 ans. Et, Léonore, tu as ? 14 ans. 14 ans ? Tu faisais ça à leurs âges ? Non, pas du tout. Pas du tout, à 14 ans, j'étais loin, mais je skatais toute la journée, donc je faisais des 5, 6, 7 heures de skate par jour. Mathias Thomer. Et là, j'en fais beaucoup moins, j'en fais... Co-fondateur du skatepark Cosa Nostra à Chelles. On a 2 heures tous les 2 jours, et pour pouvoir tenir sur la planche en étant en pleine possession de mes moyens, surtout en essayant d'éviter d'avoir mal et peur, bah gainage. Moi je fais ça que depuis que je fais les compètes. Avant je faisais pas spécialement ça. C'est pour tenir le rythme un peu des compètes, prendre les impacts sur les plus gros rails. Du coup c'est pour être sûr d'être bien physiquement et pas se blesser. C'est surtout ça. Oui. Je pense que le skateboard, c'est une pratique qui a été valorisée parce que quelque part elle est ancienne. Charlie Machmel, historien du sport. Et ça l'anoblit par rapport aux autres pratiques, comme le surf, c'est une pratique ancienne au sein des action sports. Et donc, on est allé les chercher pour leur potentiel, pour l'imagination en fait qu'ils suscitent. Mais c'est une pratique qui est aussi difficilement accessible. Faire comprendre à des spectateurs les niveaux de difficulté des figures, être capable de lire les figures qui sont réalisées, ça demande un apprentissage qui est assez long. Moi, je ne décrypte pas toutes les figures qui sont présentées, loin de là. Et de là à être capable de hiérarchiser les prestations des concurrents, c'est hyper difficile. Donc en fait, il y a aussi une logique d'appréciation de la performance qui est aussi difficile à mettre en place avec le skateboard parce qu'on est dans une activité qui est artistique et quelque part, les modalités d'appréciation, elles échappent aux spectateurs lambda. Ce qu'il faut savoir également, c'est que le skate, c'est un sport en perpétuelle évolution. C'est-à-dire que quand quelqu'un fait un flip, tout le monde va réussir à faire le flip, et il faudra faire le double flip. Et une fois que tout le monde fera le double flip, il faudra faire le heel flip avec le talon. Et tout le monde essaye de tirer la couverture dans le sens opposé. Et le skate, ça a toujours été ça. C'est-à-dire que voilà, c'est aller dans un sens, puis c'est aller dans l'autre. Et donc, le problème du jugement, c'est qu'en fait, il faut des normes. Et ces normes, elles sont souvent un peu statiques parce qu'il faut les définir à l'avance et pendant un certain temps. Et donc, souvent, elles peuvent se faire dépasser. Et qu'une figure qui peut être beaucoup plus dure que certaines autres, mais qui ne sont pas encore rentrées dans la classification, peuvent être pratiquées pendant une compétition. Et voilà, et ce skateur peut être sous-jugé ou voilà. Mais malheureusement, ils ont tous des coachs et ils sont tous au courant de ça. Et voilà. Et ce que je trouve un peu dommage, c'est que ça amène à l'uniformisation un peu de la pratique du skate. Ça enlève le côté instinctif, instantané que peuvent avoir les skateurs. Voilà, comme dans Dogtown and the Z-Boys, la scène où... Donc, célèbre film sur les skateurs des années 70. Voilà, où ils sont arrivés et ils ont révolutionné le skate dans sa pratique. Mais les juges ne comprenaient rien et voilà. Et... Jay Adam, pour qui c'est l'instant décisif. Attention les juges, il se prépare à effectuer son run final. Il s'élance, file vers la rampe à une vitesse affolante. Ça alors, c'est un nouveau tour de figure à l'arrière du chasse-vue. Et bien là, pas totalement réussi, mais vous avez vu ça. Voyons ce que les juges en ont pensé. Waouh! Bravo! C'est une bête! Et son score est de 6, 7, 7, 8, 8. C'est pas grave, ils comprennent rien. Jay, écoute, t'aurais dû faire quelques petits kick turns. Faudra t'en souvenir, je suis sûr que on tu prends feras un tas d'oseilles sans se fouler. Tu me suis, mon pote, hein? D'accord. Allez, Jay. En fait, ces sports urbains sont des sports de mouvement. Ce sont pas des sports de gestes. Or, dans le sport, il faut mesurer. Et un geste, ça se mesure. Un mouvement, ça se mesure pas. Patrick Roult, responsable du pôle haut niveau à l'INSEP, ancien skateur. Quand on fait du patinage artistique, quand on fait de la gymnastique, il y a des gestes qui ont des cotations et on est capable de mettre une note. Le skateboard, le breaking, on trace des courbes dans l'espace, mais l'idée c'est de tracer des courbes harmonieuses, pas nécessairement de faire un geste. Et les sports de mouvement ne sont pas des sports de gestes. Et le skateboard est fondamentalement un sport de mouvement. Le skateboard c'est fondamentalement tracer des courbes dans l'espace, être fluide, le plus fluide possible. Cette sensation d'absence de difficulté, même si on fait des choses extrêmement techniques. Et moi, c'est ça qui m'inquiète un peu dans la transposition du skateboard dans l'olympisme et dans une discipline olympique. C'est la manière dont on va juger, dont on va attribuer des notes. Et le risque, ce serait de transformer ce sport de mouvement où l'idée est bien de tracer de belles courbes dans l'espace en un sport de gestes où on va évaluer un nombre de tours ou des choses comme ça qui sont techniques mais pas nécessairement harmonieuses. Mais voilà, je ne suis pas certain que dans sa vocation normative, le CIO ne nous impose pas finalement, et les fédérations répondant à la demande du CIO, parce qu'il faut aussi que ce soit compréhensible par le public. Et c'est difficile de faire comprendre une harmonie, une fluidité, un mouvement, probablement plus difficile de faire comprendre ça au public que de faire comprendre y a un triple axel ou il n'y a pas un triple axel, par exemple. Sur le triple axel, il est réussi, il est raté. L'idée aujourd'hui, on vous a réunis parce qu'on a besoin de vous. L'idée, c'est de déployer le système LiveBeat sur tous les territoires en France pour qu'on ait quelque chose de cohérent, pour pouvoir juger pareil à Marseille qu'à Toulouse, qu'à Chelles. Et qu'après, on puisse à terme déjà être plus aguerris, nous les juges, au système de notation parce que c'est hyper compliqué. Vous voyez les limites pour ceux qui ont déjà eu l'habitude de faire des compètes. Jean-Sébastien Guèze, skateur, responsable équipement à la Fédération Française de Roller et de Skate. Une compète de skate, c'est pas le meilleur qui gagne en vrai. Le meilleur, on le voit dans la rue, on sait, on connaît la vérité. On le sait en vrai. Mais le contest de skate, c'est plus un truc stratégique, c'est plus un truc qu'on va travailler. Et c'est ça qui est intéressant justement. C'est terrible ce que vous venez de dire. Pourquoi ? Bah, le meilleur, on sait qui c'est, il non, est dans la ce rue. Que je veux dire, c'est que c'est pour dédramatiser aussi par rapport à eux. Les nouvelles générations, il y a un enjeu sur la compétition qui dépasse en fait le cadre de notre ADN. Notre ADN, c'est de se faire plaisir. Là, aujourd'hui, c'est pour nous que vous allez skater, c'est pas l'inverse. Ok ? C'est nous qui devons travailler pour s'aguerrir, pour être plus performants pour les prochains événements. Vous ne mettez pas la rate au courbouillon, vous aurez moyen de vous mettre en pression un peu plus tard. Combien de temps ils ont avant le premier run ? De training ? Ouais. Combien de temps vous voulez ? 10 minutes. Est-ce que vous connaissez l'ordre de passage ? Salut Timothée. Bonjour. Tu peux te présenter ? Timothée Rouguerlac, 11 ans. Et voilà. Qu'est-ce que tu as préparé comme run ? Du front de bord, du 50. Du board slide, du kickflip, de tout. T'as l'air de me dire ça comme si c'était des choses très classiques. Oui. En français, on dit quoi ? Oula, oula, oula, c'est à toi. Alors, tous ces noms de figures, il y a une exigence du ministère des Sports de traduire ces figures pour les rendre intelligibles au public qui va regarder les Jeux Olympiques l'année prochaine. Alors, l'idée de ce programme ou de ce travail, c'est de rendre accessible justement tous ces anglicismes au commun des mortels. Donc ce que vous avez fait, c'est que vous avez filmé votre fils, vous avez mis les vidéos au ralenti, vous avez donné le nom en anglais et vous avez montré ça à ses différents interlocuteurs. Alors, c'est exactement ça qui s'est passé, mais c'était juste dans le but d'imager, parce que moi, je travaillais avec des gens qui connaissaient pas du tout le skateboard. Du coup, rotation horizontale de la planche, ok, super, ils ont pas trop pu intellectualiser la chose. Donc, moi, j'ai rien fait. Et c'est aussi ça, la culture du skate. J'ai demandé à mon petit garçon, à 11h du soir, il a 10 ans, de prendre le téléphone avec des images que moi, je filme de lui et qu'il a dans une banque de données. Ça a duré, je sais pas, peut-être 5 minutes. Donc il a pris le truc, je lui ai mis sur un papier le nom des figures et la traduction en français, il était mort de rire. Et je lui ai dit, écoute, Roméo, s'il te plaît, fais-moi une petite vidéo pour Monsieur Daniel Zelensky, je pense qu'il va adorer. Comme ça, il va voir quelles sont les figures qu'on a traduites. Et on a envoyé une petite vidéo à Monsieur Daniel Zelensky qui illustre le travail qu'on a fait. Daniel Zelensky, inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche, haut fonctionnaire de la terminologie et de la langue française au ministère chargé des sports, c'est ça ? C'est tout à fait ça, hein. Ça fait très sérieux, hein, comme titre. Alors, qu'est-ce que vous faites, Daniel Zelensky ? j'ai une mission qui m'a été donnée par la ministre de la Culture et la ministre des Sports, qui est de travailler le vocabulaire anglo-saxon, des nouveaux sports, des nouvelles disciplines qui apparaissent souvent à l'origine de pays anglo-saxons, et de travailler les mots pour pouvoir les traduire, voire même les interpréter en français. Donc on va travailler, bien sûr, avec la fédération concernée, c'est évident. On a aussi avec nous des journalistes, on a le comité d'organisation des Jeux, on a des praticiens, pour que le vocabulaire que l'on va travailler puisse être ensuite emprunté par tout le monde, tous les acteurs. Sinon, ça ne servira à rien d'être entre grands spécialistes de la langue française uniquement pour se faire plaisir. Ce n'est pas du tout l'objectif, c'est d'être très pratique pour rendre très compréhensible sur les nouveaux sports, les nouvelles disciplines qui apparaissent. Donc, skateboard ou planche à roulettes ? C'est planche à roulettes, évidemment. C'est quand même très ringard. Vous me cherchez là tout de suite. C'est pas très ringard pour deux raisons. La première, c'est que on dit bah oui, la langue française recule un peu partout, le français, pourquoi, alors que tout le monde parle anglais partout. C'est pas vrai. Aujourd'hui, dans le monde, nous avons 321 millions de locuteurs de langue française et depuis 4 ans, nous avons 21 millions de personnes de plus qui parlent le français. Donc on ne s'adresse pas aux Français de France, on s'adresse bien à l'espace francophone. Et d'ailleurs, je travaille avec les Canadiens, avec les Belges, pour pas qu'on travaille, nous, des mots sur le vocabulaire de la planche à roulettes et du skate, et qu'ils fassent autre chose dans leur coin. Après, il est évident aussi que quand on a affaire à un praticien qui fait du skate depuis 20 ans, qui utilise le mot, c'est pas lui mon public cible. Par exemple, si je prends le skate, on pourrait parler du bowl, qui est un certain type de lieu de pratique du skate. On l'a traduit comment, à votre avis? On l'a traduit par bol. Ça représente exactement la même image, exactement le même type de structure, et je suis sûr que les Français ne vont pas dire bowl, ils vont dire bol. Donc, Daniel, tu prends ta planche à roulettes, tu resserres les essieux, on va au planchodrome, il y a un bol, et on va faire des figures de rotation latérale. Bah, par exemple, oui, parce que si je disais la même chose en disant j'ai fait quelques flippy tricks, et après un ollie, j'ai fait un catch, et puis je me suis retrouvé à faire un grind, bah, je ne sais pas si vous avez bien compris ce que j'ai raconté. Donc c'est ça l'idée, hein. C'est que tout qu'on fait, ce que vous avez dit, est beaucoup plus clair pour une personne qui ne pratique pas. Alors le praticien va dire je vais faire un grind, parce que voilà, c'est le mot qu'il a appris. Donc là, on va essayer de trouver l'équivalent en français de la figure, en tout cas, de la phase de jeu que ça représente. Est-ce que vous pouvez me traduire ces principaux mots que vous avez déjà traduits? Si je prends par exemple le bowl, qui se transforme en bol, c'est structure en forme de cuvette dont l'arête et les courbes permettent la réalisation de figures dans un planchodrome. Autre chose, par exemple le flip, la rotation latérale, qui serait une figure de planche à roulettes pendant un saut qui consiste à faire vriller la planche dans le sens de la longueur. Ensuite, le flippy trick, peut-être. La vrille, figure aérienne qui consiste à faire effectuer à la planche une ou plusieurs rotations suivant un ou plusieurs axes. Le catch, reprise contact, fait pour un planchiste de reposer les pieds sur la planche à roulettes afin de la plaquer ensuite au sol après une rotation aérienne de cette dernière. Le grind, le glisser axial, figure qui consiste pour un pratiquant de glisse urbaine à se laisser glisser avec un engin muni de roulettes sur un élément de parcours longitudinalement au sens de son déplacement. Parce que quelquefois, c'est compliqué à expliquer, quoi. Salut, ça va? C'est Raphaël, monsieur le maire de Gagny. Bonjour, enchanté. Votre prénom peut-être? Rolin Cranoli. Où est-ce qu'on se trouve, monsieur le maire? Là, nous sommes à Gagny, une petite ville de 40 000 habitants de la Seine-Saint-Denis, à proximité immédiate de l'hôtel de ville et du collège Pablo Neruda. Encore plus précisément? Et encore plus précisément sur le skatepark qui a été inauguré il y a un peu plus d'un an maintenant sur la ville de Gagny. Donc là, ce sont les élèves de l'école élémentaire Victor Hugo. Et les enfants, je vous présente Charlotte Im, qui est une championne olympique, hein, quand même. C'est une fierté pour nous de vous avoir à nos côtés ce matin à Gagny. Et une petite chose que je tenais absolument à vous dire, vous avez devant vous une personne qui prouve ne serait-ce que par ses réussites, ben, qu'on peut conjuguer les loisirs et le travail, parce que Charlotte est également docteur en neurosciences. Oui. C'est très important pour vous aussi. Que vous faites des recherches sur quoi ? Moi, je travaille sur la motricité du nouveau-né et sur les effets des facteurs maternels, comme la voix ou l'odeur de la mère, sur la motricité d'un nouveau-né à sa naissance. Et maintenant, je travaille sur un projet avec des grands prématurés et sur des moyens de rééducation précoce pour ces enfants qui ont des lésions cérébrales. Et vous avez inventé un skateboard pour nouveau-né ? Alors, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est mon équipe qui l'a inventé, l'équipe avec laquelle je travaille depuis maintenant plusieurs années. Ils ont breveté, donc le petit skateboard va bientôt être commercialisé pour les enfants qui ont des risques de développer différents handicaps. Et c'est vraiment une petite planche, en fait, avec un petit matelas, des toutes petites roulettes qui permet à l'enfant de se déplacer librement et surtout de se déplacer de façon autonome. Il n'y a pas besoin de le maintenir, c'est juste lui tout seul qui peut se déplacer. C'est ça qui est le plus important. Et nous, on pense que c'est le plus précocement qu'il faut faire ces rééducations et pas attendre de voir des pathologies se développer. J'ai une question. Ouais, vas-y. Votre skateboard, c'est celui que vous avez depuis toujours ou c'est un nouveau ? Alors, non, en fait, cette planche-là, je l'ai depuis environ 2 semaines, mais il faut savoir que là, vous voyez beaucoup de traces. Vous avez l'impression qu'elle est abîmée, mais c'est juste la peinture qui est partie, donc elle est comme neuve, il n'y a aucun problème, elle est en très bon état. 2 semaines, vous dites ? Ouais, 2 semaines, mais ça, c'est juste de la peinture. Je suis très content de ne pas être votre papa. Ouais, vraiment. Et depuis quand pratiquez-vous le skate ? Donc moi, j'ai commencé le skate vers 12 ans. Et maintenant, j'ai 30 ans, donc ça fait longtemps. Et aujourd'hui, vous pratiquez le street. Ça consiste en quoi ? Alors, le street en compétition, c'est un enchaînement de figures sur un skatepark qui reproduit le mobilier urbain, en fait. Donc ça va être des rails, des marches, des escaliers. Quelles sont ces figures qu'on enchaîne quand on fait du street ? Donc quand on fait du street, on peut enchaîner différents types de slides, de grind. En français ? En français, bah donc déjà on ne traduit jamais en français parce que c'est comme en escrime, la langue officielle de l'escrime, c'est le français. Donc dans n'importe quel pays, en garde, prêt, allez. Et bien nous, dans le skate, et bah c'est pareil, on dit un flip n'importe où. Et c'est le vocabulaire du skateboard qui fait que c'est en anglais. Alors quand vous grindez, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on glisse sur les trucks, qui sont les parties qui tiennent les roues du skateboard. Les essieux, ouais. Voilà, c'est ça. Quand vous slidez ? C'est qu'on glisse sur une partie de la planche, donc ça peut être le milieu de la planche, le nose ou le tail de la planche. Le nez ou la queue, enfin la planche, oui. C'est ça. L'arrière de la planche. C'est ça, exactement. Alors il y a des skateparks partout en France ? Sauf à Paris. Alors, il y en a un à Porte de la Muette, il y en a un à Gemap, si tant est qu'on puisse l'appeler un skatepark. Il y en a un de Brick et de Broc sous le pont du métro La Chapelle, mais la ville de Paris est complètement sous-équipée, on dirait. Ah, on dirait, oui, c'est exactement ça. Stéphane Flandrin, cofondateur du cabinet d'architectes Constructo. C'est une des capitales, une des métropoles en France et en Europe ou dans les pays occidentaux qui est la plus mal équipée en termes d'équipement destiné au sport urbain et au skateboard notamment. Oui, oui. Alors qu'il y a une grosse scène, il y a tous les atouts, tous les ingrédients pour qu'il y ait des bons skateparks. Mais il y a un raisonnement, une politique qui fait que ça n'arrive pas à émerger alors que c'est la capitale de la France et qu'ils n'ont pas un bon skatepark. Ça, c'est incroyable, tout à fait. Alors d'aucuns parmi la communauté de skateurs parisiens s'attendaient avec le choix de Paris comme ville organisatrice des JO de 2024 à peut-être avoir enfin un équipement digne de ce nom. J'imagine que vous, en qualité d'entrepreneur, c'est quelque chose qui vous trottait dans la tête. Vous imaginiez peut-être réfléchir ou participer à la réflexion de la construction d'un skatepark dans Paris. Comment ça s'est passé, puisque finalement, ce skatepark sera éphémère ? Ben, ça s'est passé un petit peu de manière très, très curieuse, dans la mesure où on a écouté les volontés, les discours, la pérennité des équipements, une approche écologique, enfin tout ce qui paraît être de bon sens pour une candidature des JO au XXIe siècle. Surtout la question de l'héritage. C'était sans doute l'occasion enfin de faire un vrai bon skatepark dans la capitale. On s'attendait à ce qu'il y ait un choix qui soit en conséquence. Et puis le choix qui a été fait, il faut le reconnaître, ne mise que sur l'aspect visuel, l'aspect communication, mais néglige et même totalement à contresens de tout ce qui est une approche écologique, puisqu'il va être construit en béton et déconstruit de suite après l'événement. Donc en fait, c'est de l'argent, 3,5 millions, qui vont être posés pour une semaine d'événement et cassés juste après. Donc écologiquement, c'est une aberration. En termes d'héritage et de pérennité, c'est une aberration. Et bilan qui va rester, il sera de zéro. C'est juste un contresens absolu. Le cas de figure a été totalement contraire à Tokyo. Ils ont eu les JO en 2021. Ils ont construit un skatepark. Et dans le contrat, il y avait marqué pérennité de l'équipement skatepark pour au minimum 10 ans. Voilà, ça c'est logique. On construit quelque chose et on le laisse après à l'usage. C'est logique. Voilà. À Paris, il restera à rien. Alors, il y a quand même le groupement d'intérêt professionnel des skateparks de France, le collectif national des entreprises de conception et de construction de skateparks qui s'émeuvent des choix qui ont été faits. Oui, tout à fait, mais moi je les comprends entièrement. Hein. Bien sûr que ça aurait été la meilleure occasion de pouvoir installer un parc proche de Paris, évidemment. Stéphane Larance, ancien skateur professionnel. Mais il faut aussi voir que le concept qu'on va mettre à la Concorde est un concept unique. Sport manager skateboard au comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024. Et qu'il n'aurait pas pu être possible si on avait décidé d'éloigner chaque sport. Et il y a eu beaucoup de personnes qui disaient le parc va être détruit. Oui, le béton va être détruit, oui. On ne peut pas couper les dalles de béton pour les c'est impossible. Mais le béton est déjà recyclé. Et le béton qui sera mis sur le parc est fait pour une utilisation temporaire. Il n'y aura pas autant d'épaisseur de béton que pour un parc pérenne. Donc ma mission qui était de trouver une réutilisation au deux parcs est sur le point d'aboutir. Donc on a trouvé une réutilisation pour le bowl déjà, qui est en finalisation. On en fera les annonces quand on pourra. Et ce sera à peu près la même chose pour le street, dans son intégralité, parce qu'à un moment, j'ai même entendu dire qu'on va donner un bout de street là, un bout de street là. Les gens parlent juste sans savoir. Ils ont juste imaginé des trucs et pour eux, c'était la vérité. Donc non, le parc ne sera pas donné à droite à gauche. Moi, je vais m'assurer que ça n'arrive surtout pas. Et je veux que le parc soit réinstallé dans son intégralité en proche banlieue parisienne. S'ils vont utiliser plein de bois pour faire des coffrages, ce béton fibré, il est ultra polluant, ils vont pas réussir à le retraiter. À la limite, ce qu'ils vont récupérer, ça va peut-être les deux rampes d'escalier, deux, trois coffrages de ledge, mais non, ils vont pas récupérer ce skatepark. Donc moi, je me mets à la place des Parisiens qui attendent un skatepark depuis 30 ans. Et du coup, là-bas, sous leurs yeux, il va y avoir un skatepark, on parle de 2,8 millions d'euros. J'espère que c'est une connerie, mais bon, si c'est vraiment le cas, c'est encore pire, parce qu'on nous a parlé de Jeux Olympiques écolo et qui allait aider les différents sports. Bon, bah là, s'il y a un skatepark pendant 5 jours et que les locaux peuvent pas l'utiliser et qu'ensuite il est réduit en cendres après 5 jours, que les mecs vont se retrouver le bec dans l'eau une fois que les JO seront passés et qu'ils auront toujours rien à skater, je vois pas en quoi ça va aider le skateboard, hein, franchement. Être médaille d'or en skate n'est pas un aboutissement en soi. Tous les skateurs préfèrent faire la couverture de Transworld que d'être médaillé d'or en skate. C'est juste comme ça, le skate. Pour quelle raison ? Ce qui est important, c'est... Le skate vient de la rue. Donc il faut faire ses preuves dans la rue. Il faut être reconnu par ses pairs sur les spots que tout le monde peut skater. Parce que le parc olympique, ils vont être 22 à pouvoir le skater seulement. Alors que la rue, un handrail, un set de marche, un curb, tout le monde peut le skater. Et c'est là où on s'aperçoit du niveau d'une personne. C'est là où il est confronté à tous les autres skateurs. Donc si on arrive à se démarquer sur un spot connu en faisant une figure incroyable et en ayant la couverture de Transworld, ça c'est une vraie réussite. Mais alors qu'est-ce que vous faites là ? Moi je suis là pour m'assurer que le skate soit le mieux représenté possible. Moi, j'aimerais que les idées changent sur ce sport-là. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'on arrête de nous prendre pour des rebelles, même si en fait on l'est, et qu'on arrête de prendre pour des petits merdeux qui se jettent par terre, même si en fait on l'est, mais qu'on nous prenne aussi pour des vrais athlètes, parce qu'en fait on l'est aussi. Voilà. Et moi je trouve que ce sport mérite la même reconnaissance que tous les autres sports olympiques. Moi je tiens beaucoup à ce que la communauté soit derrière ce projet-là, parce que je trouve que de là d'où on vient, de voir le skate où on est en ce moment avec les skateurs qui sont dans ce système et qui vont skater, qui, je le répète, sont juste les meilleurs, je trouve que ça mérite beaucoup plus d'engouement que ça. Ce qui est marrant dans le skate, en fait, c'est que de certaines compétitions, on ne va pas retenir le gagnant de la compétition. On va retenir qui a fait telle figure qui était incroyable, ou alors on va retenir un moment incroyable qui s'est passé, et ça ne va pas être forcément le gagnant de la compétition. C'est pour ça qu'il faut nuancer ça, et il y a des excellents skateurs qui ne font jamais de compétition, qui feront les couvertures de magazines, et tu as aussi des compétiteurs qui feront aussi les couvertures de magazines, donc on peut faire les deux, mais ce n'est vraiment pas le plus important, les titres en compétition. Alors vous choisissez quoi, la médaille d'or à Paris 2024 ou la couverture de Thrasher ? La couverture de Thrasher, et je pense que la majorité des skateurs te répondront ça. En fait, si je disais le mieux, ce serait les deux. Et là, ça surprendrait tout le monde. C'était Skate de la rue au JO, 4e épisode, Esprit Skate, Valeurs Olympiques. Un documentaire de Raphaël Kraft réalisé par David Jakuboviez. Pour moi aujourd'hui, le mot valeur olympique il rime un peu avec valeur financière. Et c'est un petit peu ça, parce que on n'est plus sur les mêmes valeurs. D'ailleurs, je me fais la réflexion que je ne sais pas moi-même ce que sont les valeurs olympiques. On va regarder. Là-bas, c'est un défi. Amitié. Ah oui, attends, j'ai pas les lunettes. Amitié, respect, excellence, voilà. Ouais, non, on n'est plus là-dedans. Pour moi, on en est loin. On en est loin. On en est très loin. Avec Jérémy Durand, Florian Darve, Raphaël Zarka, Sacha, Thierry Laporte, Charlie Machmel, Marion Deken, David Turakiewicz, Jérémy Daclin, Mathias Tomer, Charlotte Him, Patrick Roult, Jean-Sébastien Guèze, Daniel Zielinski, Stéphane Flandrin et Stéphane Larance. Documentation Anne-Lise Signoret, mixage Éric Villenfin, attaché de production Marie-Vonne Abolivier et Anaï Morales, coordination Perrine Kervran. Collection mécanique du vivant, saison 4, l'abeille. Il y a environ 1000 espèces d'abeilles en France. L'abeille à miel, Apis mellifera, est de loin la plus connue et la plus surveillée. Elle est essentielle à nos cultures. Les abeilles pollinisent près de 90% des plantes sauvages et les trois quarts des cultures dans le monde. Mécanique du vivant, saison 4, l'abeille. Un podcast de Marc Mortelmans, réalisé par Charles Trou sur franceculture.fr et l'appli Radio France.